quelle soirée de folie j'ai passée hier. Mon ami Zouzou Lafiotte m'avait invité à la finale du concours de beauté organisé par le comité des fêtes de Danfert-Rochereau. Au début, je me suis dit, bon, allons jeter un œil, on ne sait jamais. Je trouverai peut-être une petite shampooineuse en mal d'affection à qui je pourrais faire un petit frottis sur le pouce. Enfin, sur le pouce, c'est une expression, hein, Christophe, faut se calmer. On est arrivé en retard, le concours était terminé. Alors, histoire de me passer les nerfs, j'ai engueulé Zouzou. Mais enfin, bordel, putain de travelot du tiers-monde, c'est ta faute, ça! Si tu t'étais manié le fion, on serait arrivé à l'heure! Mais j'ai un problème avec mon diaphragme! Mais t'es un homme, Zouzou! T'es un homme! Les hommes, ça se pose pas de diaphragme! C'est les radars qui font ça! Mais tu fais exprès de brûler Zouzou, des choses comme ça! Je le sais, je prends une femme, ça, ça fait mal à mon corazon! Et puis, comme je suis une célébrité dans le 14e, un type s'est approché de nous et nous a demandé si on voulait rencontrer la gagnante. Dieu doit exister. Nous nous sommes retrouvés en loge avec Zouzou et là, pour nous deux, c'était le coup de foudre. Zouzou, il a embarqué le vigile pour une conversation tout nu, attaché dans les toilettes. Quant à moi, je sais pas pourquoi, j'ai bloqué sur l'organisatrice du concours. Pas la miss, hein, une petite conne qui voulait faire des études et sauver les enfants de la misère et de la faim. Et à qui j'ai mis une baffe pour avoir osé nous recevoir habillés. Non, l'organisatrice, Madame Terrine. Une femme pleine de promesses et de cellulite. Attention, Christophe! Pas la cellulite sordide qui fait peur aux enfants sur les plages! Ah. Non, la belle peau d'orange. Celle qui met vos papilles en sueur. Et votre short en feu. Oh, comme elle était responsable du parfum cosmétique de Monoprix de l'avenue du Général Leclerc, j'ai tout de suite su quoi faire. N'écoutant que mon lyrisme, je me suis approché d'elle et j'ai... Non. Je sais. C'est pas joli, joli. C'est même pas très fair-play, mais j'ai chanté du Elvis. Love me tender, love me too, never let me go. Ah, évidemment, je comprends, elle a craqué. Elle a défait son chignon. Elle a lâché un gaz nerveux. Et puis elle s'est jetée sur moi hurlant. Le voilà le filet de bave. Ta personnalité, je suis ta chose, ton objet, ton défouloir, ton nanos. Traite-moi comme une romaine de 17 ans sur les boulevards extérieurs. Mets-moi les coups, je vais t'en poutcher une balle génitale. Du coup, comme je suis d'un naturel poli, je te l'ai chopé la champouineuse et pendant 55 heures, on a fait... Comme des VRP sénégalais. Oh putain, je lui ai fait péter la crème de jour à l'esthéticienne. Elle en est pour son fric, la Tadjik. Bon, je vous laisse, j'ai rendez-vous pour un défilé de mode. C'est la collection été spéciale Cochrane de la Redoute. C'est présenté par Giroud. Ça va déchirer. Envie d'Erzen.